Mother fuck. 4 heures de l'après-midi, je me lève, j'ai pas dormi de la nuit. Ok, je viens sur le style américain, gangsta, Tupac, ne me tire pas dessus comme on marche à court. Ok, j'arrive pas à dormir de la nuit, alors maintenant je me lève sur ce morceau. Je veux te dire que c'est ma vie pourrie, alors n'écoute pas ce que les autres disent. Je sais si tu veux me juger, apprends à me connaître avant de parler de moi. J'aime pas les gens qui me dictent ce que je dois faire, ce que je dois penser. Je ne suis pas tous les gens politiques, je ne fais partie d'aucun style politique. Je suis pas, je suis moi, alors si tu n'aimes pas, n'écoute pas. J'ai du mal à dormir. J'ai du mal à dormir. Le soir je fume mes bédos, j'ai le cerveau qui se retourne. Je me lève le matin, pas du mon café, ma cigarette. J'ai la tête qui ne tourne pas bien. Tu veux que je te dise quoi, que je suis pas un chien. Alors écoute ça petit, je n'arrive pas à dormir la nuit. Hey oh, je n'arrive pas à dormir la nuit. Hey oh, je n'arrive pas à dormir la nuit. C'est la nuit que je réfléchis à cette terre comment part. C'est la misère aujourd'hui, les militaires veulent toujours plus de guerre. Les hommes politiques font les armes et les vendent à d'autres pays qui n'ont pas énormément de fric en comparaison avec le leur. Ils s'engraissent comme des porcs, ils aiment trop le pouvoir. Les dollars, les dinars, les euros ou bien d'autres francs. Écoute, jamais n'a jamais rien changé. Je viens là pour te dire, Major Mike, tu connais, je ne lâcherai pas l'affaire. Ouais, qu'est-ce que tu peux faire? Écoute-moi, Sarkozy, tu veux passer le cachet. Jamais tu ne mourras, il faut que tu te dises que je n'écoute pas ta morale. Puis si tu veux toujours essayer de me tester, tu le sais. Mes potes me connaissent, ils savent de quoi je suis capable. Alors écoute ça, président, président, vas-y viens là, je te casse les dents. Président, président, vas-y viens là, je te casse les dents. Ouais, ouais, je n'arrive pas à dormir la nuit. Ouais, ouais, je n'arrive pas à dormir la nuit. Ouais, ouais, je n'arrive pas à dormir la nuit. Ouais, ouais, je n'arrive pas à dormir la nuit. Je suis obligé de fumer, des fois même de picoler. C'est vrai que je m'en mets dans le nez, mais je ne veux pas abuser, car je ne peux pas supporter tous ces gens qui me cassent les pieds. Je suis obligé de les voir pour leur casser leur tarin. Hey, hey, je n'arrive pas à dormir la nuit. Hey, hey, c'est la nuit que je réfléchis. Hey, hey, je n'arrive pas à dormir la nuit. Hey, hey, c'est la nuit que je réfléchis.